de moi, pauvre de vous, pauvre de nous. Pauvreté, à genoux, pleurer, implorer que cela cesse. Animal blessé, j'ai mal, j'ai. Pour être matinal, j'ai mal quand le monde va mal, de mal en pis, mépris, indifférence, intolérance, cri de douleur, dis-moi comment rester optimiste, pessimiste. Quand un frère tombe à terre, le sang coule pour de la terre, mère. Misère et guerre, on n'a pas mérité de vivre décemment. C'est tout ce que l'on a demandé. Égalité, fraternité, liberté, pour le meilleur, pour le pire, l'éternité. Voilà la vérité. Pauvre de pauvre toi, de toi, pauvre de moi, pauvre de nous, de nous, pauvre de vous, pauvreté à genoux. Pauvre de toi, pauvre de moi, pauvre de vous, pauvre de nous, de nous, pauvreté à genoux. Pleurer, que cela cesse. Pauvre de nous, pauvre de vous, que cela cesse.